بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Et aujourd'hui on va finir ce qu'il nous reste à voir de l'exégèse de sourate Al-Ghashiyah inshallah ta'ala. وَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى حَالَ الْكَافِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Nous avons vu comment Allah Ta'ala a cité, nous avons vu ce que Allah a cité concernant la situation des incroyants au jour de la résurrection. ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ حَالَ الْمُؤْمِنِينَ. Ensuite Allah Ta'ala, il cite la situation des croyants. Il dit donc tabaraka wa ta'ala wujuhun yawma idhin na'ima li sa'yiha radiya. Des visages seront épanouis en ce jour, satisfaits de leurs efforts. Des visages en ce jour seront épanouis, satisfaits de leurs efforts. فهؤلاء المؤمنون في هذا اليوم يفرحون. Et donc ces croyants, ils seront heureux en ce jour. يسرهم ما نالوا من الثواب العظيم. Ils seront heureux de ce qu'ils auront comme récompense énorme. Beaucoup ont besoin, on a besoin de se rappeler de ça. Parfois, la personne ne voit pas la récompense quant au sacrifice que nous faisons pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, la récompense est grandiose. فَهُمْ رَضُونَ بِعَمَلِهِمْ أَلَّذِي قَدَّمُوهُ فِي الدُّنْيَا خلافا للكفار فهم يومئذ نادمون على ما قدموه. Et donc en ce jour, ils seront satisfaits de ce qu'ils ont fait ici-bas, contrairement aux incroyants. Les incroyants, eux, en ce jour-là, donc dans l'au-delà, ils regretteront tout ce qu'ils ont avancé. Aujourd'hui, vous les voyez heureux se moquer, faire des caricatures. Et s'ils meurent comme cela, alors ils regretteront Yawm al-Qiyam, au jour de la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit fi jannatin 'aliya la tasma'u fiha laghiya. Dans un jardin élevé où tu n'y entends aucune futilité. فذكر الله تعالى الجنة وما فيها من النعيم. Et donc Allah, il a cité le paradis et ce qu'il contient comme bienfait, comme délice. فالجنة عالية فوق السماء وهي عالية القدر كذلك فهي خير الديار. Et donc le paradis est une demeure qui est élevée. Le paradis est au-dessus du ciel. Et aussi le paradis a un rang élevé, la meilleure des demeures. La tasma'u fiha lariya. Dans le paradis, tu n'entends aucune futilité. Allah Ta'ala qui dit dans une autre sourate, il dit « La yasma'ouna fiha lahwan wa la ta'thima illa qilan salama salama. » Ils n'y entendront ni futilité, ni péché. Mais par contre, ils entendront « Salam, salam. » Il sera dit « Salam, salam. » فليس في الجنة إلا الكلام الطيب النافع. Il n'y a dans le paradis que les bonnes paroles, les paroles profitables. Souvent ici, tu peux être fatigué. Tu peux ressentir de la difficulté par rapport à ce que les gens disent, par rapport à ce que tu entends. Alors Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous a montré dans son livre, il nous a montré comment nous rassurer par rapport à tout ce que nous entendons. Premièrement, comme on l'a vu dans les cours précédents, Allah Ta'ala, il a cité les paroles des incroyants, leurs injustices. Et ensuite, il a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Fasbir ala ma yakuloun. » Alors, endure, patiente face à ce qu'ils disent. « Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghuroub. » Et fais le tasbih, loue, prononce la gloire par la louange de ton Seigneur. Ici, tasbih, ici, les savants disent c'est la prière. Qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghuroub. Avant, donc, le lever du soleil et avant le coucher de celui-ci. La prière du Fajr, la prière du Maghrib. Et le soir aussi, prie. Et wa qabla al-ghuroub, excusez-moi, qabla al-ghuroub, la prière du Asar. Wa min al-layl fasabbihhu, et pendant la nuit aussi. La nuit, donc les deux prières de la nuit, al-maghrib, al-isha, wa adbar al-sujud. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a cité ici ces prières obligatoires. Les savants, ils disent aussi, certains savants, ils nous disent, qabla al-ghuroub, avant le coucher, on a al-dhahr wa al-asr, avant le coucher du soleil. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala incite son prophète à accomplir ses prières et que cela va l'aider à endurer face à l'injustice des gens, face à ce qu'ils disent. Et donc ça, c'est un moyen important. Lorsque tu entends l'injustice des gens, que cela te blesse, cela te touche. Rappelle-toi que la prière est un moyen important qui te permet de te renforcer. Allah Tabaraka wa Ta'ala a appelé son prophète à cela. Et aussi ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous montre l'importance de se rappeler de l'au-delà. Car dans l'au-delà, il n'y aura pas de futilité. Toutes ces futilités que tu entends. Et tous ces péchés. Yawm al-Qiyama, dans le paradis, il n'y aura pas ça. Alors patiente et endure. Et demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il te facilite l'accès au paradis. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Il y a dans celui-ci, donc dans le paradis, des sources coulantes. Je dis bien des sources coulantes, si vous regardez la traduction, il se peut que vous le voyez au singulier. Parce que ce qui est cité en arabe, c'est le singulier, mais c'est ce qui est voulu par là, c'est le jins, le genre. Donc, ça englobe les sources de façon générale. Et donc, il n'y a pas qu'une seule source au paradis. Mais il y en a plusieurs, comme l'ont dit les savants. Et donc, il y a donc Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous dit, donc, comme dans la traduction des sens, il y a dans celui-ci des sources coulantes et des divans élevés, des coupes posées, des coussins rangés et des tapis étalés. Et donc il y a dans le paradis, comme on l'a dit, des sources coulantes L'allama ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il dit « Aï tajari haythu arada ahluha, la tahtaju ila hafri saqiya, wa la ila iqamati ukhdoud. » Il nous dit, le très savant ibn al-Uthaymin, rahimahullah, c'est-à-dire que les sources du paradis, elles coulent en fonction de ce que les gens du paradis veulent. Les sources du paradis coulent où les gens du paradis veulent. Ce sont des sources qui n'ont pas besoin qu'on creuse quoi que ce soit comme système pour abreuver les gens, quoi que ce soit comme tranchée, comme passage pour laisser passer l'eau. Ce sont des sources qui coulent toutes seules par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fiha sururun marfu'a. Dans le paradis, il y aura des divans élevés. Allahu Akbar. Les divans sur lesquels les gens peuvent se reposer. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans un autre passage, Hum wa azwajuhum fi dhilal ala al-ara'iki muttaki'un. Ils seront, eux et leurs épouses, à l'ombre, sur des divans appuyés. فَلَيْسَ هُوَ وَحْدَهُ عَلَى هَذِهِ الْأَرَائِكِ. Et donc, l'homme ne sera pas seul sur ces divans. لَكِنَّهُ مَعَ زَوْجَتِهِ الَّتِي كَانَ يُحِبُّهَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. Cependant, il sera avec son épouse, ses épouses qu'il aimait, ici-bas. والأكواب سهلة سهلة الحصول عليها لا مشقة في لا مشقة في الجنة. Et certes, les coupes seront faciles à atteindre. Il n'y a pas de difficulté au paradis. والنمارق مصفوفة تلتذ العيون قبل الأبدان. Et aussi donc les coussins seront rangés. Les coussins seront rangés. Et cela permet le fait que les yeux profitent avant même le corps, avant même que l'individu ne s'appuie sur ses coussins. Il profite aussi de la belle chose qu'il voit. De cette belle chose qu'il voit, il profite aussi de ce qu'il voit, cette beauté, les coussins bien rangés. Quand tu rentres, parfois, chez les gens que tu vois, c'est bien rangé, mashallah. Tu profites rien qu'à cela avant même de t'asseoir. Wazarabi yuma bethoufa. Et des tapis étalés. Fahiya manshuratun fi kulli makan. Et donc des tapis qui seront étalés partout. Wahuna tanbihun muhim. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى ذَكَرَ لَنَا شَيْئًا مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ. Et ici, il y a un point important, car Allah Ta'ala nous a cité certains des délices du paradis. لَكِنْ لَتَظُنَّ أَنَّ الْفُرُشِ فِي الْجَنَّةِ هِيَ كَالْفُرُشِ الْمَوْجُودَ الْمَعْرُوفَ عِنْدَنَا وَلَأَنَّ الْأَنْهَارِ هِيَ كَالْأَنْهَارِ الْمَعْرُوفَ عِنْدَنَا. Et donc ne pense pas que les divans qu'il y a au paradis sont comme les divans que nous avons sur terre. De la même façon, les fleuves, les ruisseaux que nous avons ici-bas, ne pense pas que ce sont les mêmes au paradis. Fal asma'u mutamathila lakin al-haqa'iq mukhtalifa. Et donc les noms sont identiques. Les noms sont identiques, mais la réalité est différente. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce que nous lui avons caché comme réjouissance pour les yeux. Tout cela en rétribution de ce qu'ils ont accompli. Et donc, aucun être ne sait ce qui lui a été caché. Donc, nous ne savons pas, ne pense pas, quand tu vois dans le Coran, parmi les descriptions du paradis, les coussins, ne pense pas que ce sont les coussins que tu connais, que tu as déjà vus et que tu peux imaginer. Non, c'est autre chose. Tu ne peux pas. Tu ne sais pas ce que c'est. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. ابن عباس رضي الله عنهما il dit il n'y a dans le paradis de ce qu'il y a dans la dunya que les noms. Il n'y a que les noms qui sont semblables. Ensuite Allah Ta'ala qui nous dit أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Ne regarde-t-il pas vers les chameaux comment ils ont été créés? Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at, et vers le ciel comment il a été élevé? Wa ila al-jibali kayfa nusibat, et les montagnes comme elles ont été dressées? Wa ila al-ardi kayfa sutihat, et la terre comme elle a été nivelée? فَالْإِبِلُ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ تَرْكَبُهُ الْعَرَبُ فَدَعَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى التَّفَكُّرِ فِي هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ الطَّوِيلَةِ الَّتِي كَثُرَ نَفْعُهَا. Et donc, les chameaux étaient les montures les plus utilisées par les Arabes. Allah Ta'ala, il les a appelés à réfléchir, à méditer sur ces bêtes de longue taille, ces bêtes qui ont beaucoup de mérite, beaucoup de profit. وَقَدْ تَسِيرُ مَسِيرَةً طَوِيلَةً لَا يَقْطَعُهَا الْإِنسَانُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ. Et ces animaux peuvent parcourir une longue distance, une distance que l'être humain ne peut parcourir qu'avec une forte difficulté. وَقَدْ تَرْفَعُ الْأَثْقَالُ تُوضَعُ عَلَيْهَا وَهِيَ بَارِكَةٌ ثُمَّ تَرْتَفِعُ. Et certes, ces animaux peuvent porter des charges lourdes qu'on va poser sur elles alors que ces bêtes-là sont assises. Puis ces bêtes-là vont se lever avec ces charges lourdes sur le dos. وَهَذَا يَدُلُّنَا عَلَى قُوَّتِهَا. Et cela, ça nous montre leur force. لأن الغالب في الحيوانات أنها إذا وضع عليها الأثقال وهي باركة لا تكاد ترتفع. Car ce qui est le plus connu chez les animaux, c'est que lorsque ceux-ci sont assis, en position assise, et qu'on met des choses lourdes sur eux, alors ils ne peuvent pas se lever. Mais le chameau, il se lève. Cela montre sa force. Et malgré cette force que possède le chameau va se soumettre à l'être humain qui est faible. Cela fait partie des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Ne médite-t-il pas, ne regarde-t-il pas le ciel, comment il a été élevé? أَلَا تَرَوْنَ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ الَّتِي رَفَعَهَا اللَّهُ مِنْ غَيْرِ عَمَدٍ. Ne voyez-vous donc pas ce ciel que Allah Ta'ala a élevé sans pilier? Sans pilier qui retient le ciel de tomber. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Et les montagnes, comment elles ont été dressées, et la terre, comment elle a été nivelée. مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَفْعِ السَّمَاءِ كَمَا فَعَلَهُ اللَّهُ. Qui a la capacité d'élever le ciel comme Allah l'a élevé? وَمَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى نَصْبِ الْجِبَالِ الْعَظِيمَةِ كَمَا نَصَبَهَا اللَّهُ. Et qui a la capacité de dresser les grandes montagnes comme Allah tabaraka wa ta'ala les a dressées. وَمَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ ليتمكن الناس من العيش فيها كما فعله الله. Qui a la capacité de niveler la terre, la mettre à niveau, toute la terre, afin que l'être humain ait la capacité d'y vivre comme l'a fait Allah tabaraka wa ta'ala. Ne voyez-vous pas, si toute la terre était montagneuse, comment est-ce que les gens auraient fait pour l'agriculture? Il y aurait eu beaucoup de difficultés, mais Allah tabaraka wa ta'ala a nivelé cette terre. من تأمل في هذه الأمور استيقن أن الله هو المستحق للعبادة. Celui qui médite sur ces points a la certitude que Allah Ta'ala est le seul à mériter l'adoration. ثم أمر الله نبيه بالذكر. Ensuite Allah Ta'ala il a ordonné à son prophète de faire le rappel. Il a donc dit فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Alors fais le rappel. Tu n'es certes qu'un rappeleur, mais tu n'as aucun pouvoir sur eux, aucune autorité sur eux. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans un autre verset ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. Tu ne peux pas les guider, mais Allah guide qui il veut. Tu peux faire toutes les causes, mais Allah, il guide qui il veut. Fais comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi hadha al wajib wa tabi'ahu as-sahaba wa man ba'dahum. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli cette obligation, puis les compagnons et ceux qui sont venus après eux, ila an wasalana hadha ad-din, jusqu'à ce que cette religion parvienne jusqu'à nous. Wa antum tulahidun anna Allah ta'ala qala fadhakkir. Et vous pouvez remarquer que Allah ta'ala il a dit alors fais le rappel. Lam yukhassis shakhsan aw ta'ifatan. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas spécifié l'ordre pour être appliqué pour une personne de façon spécifique ou un groupe, mais fais le rappel de façon générale. Cela car l'ordre est général. Et donc il est obligatoire d'expliquer et de montrer à tous les gens avec la capacité, en fonction de la capacité. Et donc nous devons montrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à la vérité, a appelé à la da'wa, jusqu'à son, il était sur son lit de mort, il appelait les gens à l'islam, il appelait les gens à la vérité, mettait en garde contre le faux, il était sur son lit de mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme cela que nous devons être, appeler les gens à la vérité, appeler les gens à l'islam, appeler les gens à la sunna, mettre en garde contre le faux, tout le temps, jusqu'à la mort. Illa man tawalla wa kafar, fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar, inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Cependant, celui qui s'est détourné et a mécru. Attention ici, petite parenthèse, dans la traduction, il se peut que c'est marqué « sauf ». C'est pas « sauf » ici. Ça serait plus « mais »,« lakin », »,« mais » ou « cependant ». Parce que sinon, ça change le sens. Parce qu'on a dit le passage d'avant « Laysa alayka bimusaytir ». Tu n'as aucun pouvoir sur eux en ce qui concerne. Donc, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Tu n'es qu'un rappeleur. Et tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et donc, si on dit sauf, ici, donc tu n'as aucun pouvoir sur eux, sauf ceux qui se sont détournés et qui ont mécru. Alors ceux-là, tu as un pouvoir sur eux. Non. Ce n'est pas ce qui est voulu ici. Ce qui est voulu ici, comme l'ont dit les savants, ici c'est illa bima'na walakin. Illa ici, c'est cependant, mais. Et donc tu n'as aucun pouvoir sur eux. Mais par contre, ceux qui ont mécru, ceux qui se sont détournés, alors Allah les châtiera du plus grand châtiment. Certes, c'est vers nous qu'ils retourneront, puis c'est nous qui les jugerons. فالكافرون الذين أعرضوا عن ذكر الله الذين أعرضوا عن الذكر لما جاءهم لهم العذاب الأكبر وهو النار ويسبقه العذاب الدنيوي قبل موتهم وكذلك في القبر. Et donc les incroyants, ceux qui se sont détournés du rappel d'Allah, ceux qui se sont détournés du rappel lorsque celui-ci est venu à eux, comment certains se détournent lorsque tu les appelles à la vérité et ne cherchent même pas à entendre, ceux-là qui se sont détournés, alors ils auront le châtiment le plus douloureux, le châtiment le plus grand, et c'est le châtiment du feu, ce châtiment qui sera précédé par le châtiment d'ici-bas avant la mort, et aussi le châtiment dans la tombe. فَعَلَيْنَا جَمِيعًا أَنْ نَذْكُرَ أَنَّنَا كُلَّنَا سَنَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ. Nous devons tous nous rappeler que nous allons tous revenir vers notre Seigneur, vers notre Créateur, Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَأَنَّهُ سَيُحَاسِبُنَا, et qu'il va nous juger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman. Il n'y a aucun d'entre vous sans que son Seigneur s'adressera à lui, sans qu'il n'y ait entre lui et son serviteur aucun traducteur. Pas besoin de traducteur, il n'y aura aucun traducteur. On sera tous interrogés directement par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fayajibu alina nasta'id. Il nous est obligatoire de nous préparer. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous placer parmi les gens du paradis, de nous accorder l'endurance et la patience par rapport aux difficultés d'ici-bas, et les certes capables de toutes choses, de nous protéger. Tabaraka wa Ta'ala. De nous protéger du feu de l'enfer, de nous protéger des malfaisants. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue les cours de tafsir la semaine prochaine. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.